Depuis le début de ce morceau, car c'est la peine, qui dit ce morceau. Dans ce morceau, la peine d'être alone in the dark. Beautiful.